Moll Flanders, 17e partie. Ma camarade, portant la marque d'une ancienne réprouvée, fut exécutée. La jeune criminelle eut grâce de la vie, ayant obtenu un sursis, mais resta de longs jours à souffrir de la faim dans sa prison, jusqu'enfin elle fit mettre son nom dans ce qu'on appelle une lettre de rémission, et ainsi échappa. Ce terrible exemple de ma camarade me frappa de frayeur au cœur, et pendant un bon temps je ne fis point d'excursion. Mais une nuit, dans le voisinage de la maison de ma gouvernante, on cria « Au feu !» Ma gouvernante se mit à la fenêtre, car nous étions toutes levées, et cria immédiatement que la maison de madame Untel était tout en feu, flambant par le haut, ce qui était la vérité. Ici, elle me poussa du coude. « Vite, mon enfant ! Dit-elle, voici une excellente occasion. Le feu est si près que vous pouvez y aller devant que la rue soit barrée par la foule. » Puis elle me donna mon rôle. « Allez, mon enfant, à la maison. Courez et dites à la dame ou à quiconque vous verrez que vous êtes venu pour leur aider et que vous venez de chez madame Untel, c'est à savoir une personne qu'elle connaissait plus loin dans la rue. » Me voilà partie, et arrivant à la maison, je trouvai tout le monde dans la confusion, comme bien vous pensez. J'entrai toute courante, et trouvant une des servantes. « Hélas, mon doux cœur ! M'écriai-je, comment donc est arrivé ce triste accident ? Où est votre maîtresse ? Est-elle en sûreté ? Et où sont les enfants ? Je viens de chez madame pour vous aider. » Voilà la fille qui court. « Madame, madame » cria-t-elle aussi haut qu'elle put hurler. « Voilà une dame qui arrive de chez madame pour nous aider. » La pauvre dame, à moitié hors du sens, avec un paquet sous son bras et deux petits enfants, vient vers moi. « Madame, dis-je, souffrez que j'emmène ces pauvres petits chez madame. Elle vous fait prier de les lui envoyer. Elle prendra soin des pauvres agneaux. » Sur quoi j'en prends un qu'elle tenait par la main, et elle me met l'autre dans les bras. « Oh oui, oui, pour l'amour de Dieu, dit-elle, emportez-les. Oh, remerciez-la bien de sa bonté. N'avez-vous point autre chose à mettre en sûreté, madame ? Dis-je, elle le gardera avec soin. Oh, Seigneur, dit-elle, Dieu la bénisse. « Prenez ce paquet d'argenterie et emportez-le chez elle aussi. »« Oh, c'est une bonne femme !»« Oh, nous sommes entièrement ruinés, perdus !» Et voilà qu'elle me quitte, se précipitant tout égarée, et les servantes à sa suite, et me voilà partie avec les deux enfants et le paquet. À peine étais-je dans la rue que je vis une autre femme venir à moi. « Hélas, maîtresse, dit-elle d'un ton piteux, vous allez laisser tomber cet enfant. Allons, allons, voilà un triste temps, souffrez que je vous aide. » Et immédiatement elle met la main sur mon paquet afin de le porter pour moi. « Non, dis-je, si vous voulez m'aider, prenez l'enfant par la main. Aidez-moi à le conduire seulement jusqu'au haut de la rue. J'irai avec vous. Et je vous payerai pour la peine. » Elle ne put, mais que d'aller, après ce que j'avais dit, mais la créature, en somme, était du même métier que moi, et ne voulait rien que le paquet. Pourtant, elle vint avec moi jusqu'à la porte, car elle ne put faire autrement. Quand nous fûmes arrivés là, je lui dis à l'oreille, « Va, mon enfant. Lui dis-je, je connais ton métier, tu peux rencontrer assez d'autres affaires. » Elle me comprit et s'en alla. Je tambourinai à la porte avec les enfants, et comme les gens de la maison s'étaient levés déjà au tumulte de l'incendie, on me fit bientôt entrer, et je dis « Madame est-elle éveillée ? Prévenez-la, je vous prie, que madame, sollicite d'elle la faveur de prendre chez elle ses deux enfants. Pauvre dame, elle va être perdue, leur maison est tout en flammes. » Ils firent entrer les enfants de façon fort civile, s'apitoyèrent sur la famille dans la détresse, et me voilà parti avec mon paquet. Une des servantes me demanda si je ne devais pas laisser le paquet aussi. Je dis « Non, mon doux cœur, c'est pour un autre endroit, cela n'est point à eux. » J'étais à bonne distance de la presse maintenant, si bien que je continuais et que j'apportais le paquet d'argenterie, qui était très considérable, droit à la maison, chez ma vieille gouvernante. Elle me dit qu'elle ne voulait pas l'ouvrir, mais me pria de m'en retourner et d'aller en chercher d'autres. Elle me fit jouer le même jeu chez la dame de la maison, qui touchait celle qui était en feu, et je fis tous mes efforts pour arriver jusque-là. Mais à cette heure, l'alarme du feu était si grande, tant de pompes à incendie en mouvement, et la presse du peuple si forte dans la rue, que je ne pus m'approcher de la maison quoi que je fisse, si bien que je revins chez ma gouvernante, et, montant le paquet dans ma chambre, je commençai à l'examiner. C'est avec horreur que je dis quel trésor j'y trouvai. Il suffira de rapporter qu'outre la plus grande partie de la vaisselle plate de la famille, qui était considérable, je trouvai une chaîne d'or, façonnée à l'ancienne mode, dont le fermoir était brisé, de sorte que je suppose qu'on ne s'en était pas servi depuis des années. Mais l'or n'en était pas plus mauvais. Aussi un petit coffret de bagues de deuil, l'anneau de mariage de la dame, et quelques morceaux brisés de vieux fermoirs d'or, une montre en or, et une bourse contenant environ la somme de 24 livres en vieilles pièces de monnaie d'or, et diverses autres choses de valeur. Ce fut là le plus grand et le pire butin où je fus jamais mêlé. Car en vérité, bien que, ainsi que je l'ai dit plus haut, je fusse endurci maintenant, au-delà de tout, pour voir de réflexion en d'autres cas, cependant je me sentis véritablement touché jusqu'à l'âme même quand je jetai les yeux sur ce trésor. De penser à la pauvre dame inconsolée qui avait perdu tant d'autres choses, et qui se disait qu'au moins elle était certaine d'avoir sauvé sa vaisselle plate et ses bijoux, combien elle serait surprise quand elle trouverait qu'elle avait été dupée et que la personne qui avait emporté ses enfants et ses valeurs était venue, comme elle l'avait prétendu, de chez la dame dans la rue voisine, mais qu'on lui avait amené les enfants sans qu'elle en sût rien. Je dis que je confesse que l'inhumanité de cette action m'émut infiniment et me fit adoucir à l'excès, et que des larmes me montèrent aux yeux à son sujet. Mais malgré que j'eusse le sentiment qu'elle était cruelle et inhumaine, jamais je ne pus trouver dans mon cœur de faire la moindre restitution. Cette réflexion s'usa, et j'oubliai promptement les circonstances qui l'accompagnaient. Ce ne fut pas tout, car bien que par ce coup je fusse devenu infiniment plus riche qu'avant, pourtant la résolution que j'avais prise auparavant de quitter cet horrible métier quand j'aurais gagné un peu plus ne persista point. Et l'avarice eut tant de succès que je n'entretins plus l'espérance d'arriver à un durable changement de vie. quoique, sans cette perspective, je ne pusse attendre ni sûreté ni tranquillité en la possession de ce que j'avais gagné. Encore un peu, voilà quel était le refrain, toujours. À la fin, cédant aux importunités de mon crime, je rejetai tout remords, et toutes les réflexions que je fis sur ce chef ne tournèrent qu'à ceci. C'est que, peut-être, je pourrais trouver un butin au prochain coup qui compléterait le tout. Mais quoique certainement j'eusse obtenu ce butin-là, cependant chaque coup m'en faisait espérer un autre et m'encourageait si fort à continuer dans le métier que je n'avais point de goût à le laisser là. Dans cette condition, endurci par le succès et résolu à continuer, je tombai dans le piège où j'étais destiné à rencontrer ma dernière récompense pour ce genre de vie. Mais ceci même n'arriva point encore, car je rencontrai auparavant diverses autres aventures où j'eus du succès. Ma gouvernante fut pendant un temps réellement soucieuse de l'infortune de ma camarade qui avait été pendue, car elle en savait assez sur ma gouvernante pour l'envoyer sur le même chemin, ce qui la rendait bien inquiète. En vérité, elle était dans une très grande frayeur. Il est vrai que quand elle eut disparu, sans dire ce qu'elle savait, ma gouvernante fut tranquille sur ce point et peut-être heureuse qu'elle eût été pendue, car il était en son pouvoir d'avoir obtenu un pardon aux dépens de ses amis. Mais la perte qu'elle fit d'elle et le sentiment de la tendresse qu'elle avait montrée en ne faisant pas marcher de ce qu'elle avait émut ma gouvernante à la pleurer bien sincèrement. Je la consolai du mieux que je pus, et elle, en retour, m'endurcit à mériter plus complètement le même sort. Quoi qu'il en soit, ainsi que j'ai dit, j'en devins d'autant plus prudente, et en particulier, je mettais beaucoup de retenue à voler en boutique, spécialement parmi les merciers et les drapiers. C'est là une espèce de gaillards qui ont toujours les yeux bien ouverts. Je fis une ou deux tentatives parmi les marchands de dentelles et de mode, et en particulier dans une boutique où deux jeunes femmes étaient nouvellement établies sans avoir été élevées dans le métier. Là, j'emportai une pièce de dentelle au fuseau qui valait 6 ou 7 livres et un papier de fil. Mais ce ne fut qu'une fois, c'était un tour qui ne pouvait pas resservir. Nous regardions toujours l'affaire comme un coup sûr chaque fois que nous entendions parler d'une boutique nouvelle, surtout là où les gens étaient tels qu'ils n'avaient point été élevés à tenir boutique. Tels peuvent être assurés qu'ils recevront pendant leur début 2 ou 3 visites. Et il leur faudrait être bien subtil, en vérité, pour y échapper. J'eus 1 ou 2 aventures après celle-ci, mais qui ne furent que bagatelles. Rien de considérable ne s'offrant pendant longtemps, je commençai de penser qu'il fallait sérieusement renoncer au métier. Mais ma gouvernante, qui n'avait pas envie de me perdre et espérait de moi de grandes choses, m'introduisit un jour dans la société d'une jeune femme et d'un homme qui passait pour son mari. Quoiqu'il parût ensuite que ce n'était pas sa femme, mais qu'ils étaient complices tous deux dans le même métier qu'ils faisaient et en autre chose non moins. En somme, ils volaient ensemble, couchaient ensemble, furent pris ensemble et finalement pendus ensemble. j'entrai dans une espèce de ligue avec ces deux, par l'aide de ma gouvernante, et il me fit reprendre part à 3 ou 4 aventures, où je leur vis plutôt commettre quelques vols grossiers et malhabiles, en quoi rien ne put leur donner le succès qu'un grand fond de hardiesse sur leur part et d'épaisse négligence sur celle des personnes volées. De sorte que je résolus dorénavant d'apporter infiniment de prudence à m'aventurer avec eux. Et vraiment, 2 ou 3 projets malheureux ayant été proposés par eux, je déclinai l'offre et leur persuadai d'y renoncer. Une fois, ils avaient particulièrement proposé de voler à un horloger 3 montres d'or qu'ils avaient guettées pendant la journée pour trouver le lieu où ils les serraient. L'un d'eux avait tant de clés de toutes les sortes qu'il ne faisait point de doute d'ouvrir le lieu où l'horloger les avait serrées. Et ainsi, nous fîmes une espèce d'arrangement. Mais quand je vins à examiner étroitement la chose, je trouvai qu'il se proposait de forcer la maison, en quoi je ne voulus point m'embarquer, si bien qu'ils y allèrent sans moi. Et ils pénétrèrent dans la maison par force et firent sauter les serrures à l'endroit où étaient les montres, mais ne trouvèrent qu'une des montres d'or et une d'argent qu'ils prirent et ressortirent de la maison, le tout très nettement. Mais la famille ayant été alarmée se mit à crier « Au voleur !» et l'homme fut poursuivi et pris. La jeune femme s'était enfuie aussi, mais malheureusement se fit arrêter au bout d'une certaine distance et les montres furent retrouvées sur elle. Et ainsi j'échappai une seconde fois, car ils furent convaincus et pendus tous deux, étant délinquants anciens, quoique très jeunes. Et comme j'ai dit avant, ainsi qu'ils avaient volé ensemble, ainsi maintenant furent-ils pendus ensemble, et là prit fin ma nouvelle association. Je commençai maintenant d'être très circonspecte, ayant échappé de si près à me faire échauder, et avec un pareil exemple devant les yeux. Mais j'avais une nouvelle tentatrice qui m'aiguillonnait tous les jours. Je veux dire ma gouvernante, et maintenant se présenta une affaire où, ainsi qu'elle avait été préparée par son gouvernement, ainsi elle espérait une bonne part du butin. Il y avait une bonne quantité de dentelles de Flandre qui était logée dans une maison privée où elle en avait ouï parler. Et la dentelle de Flandre étant prohibée, c'était de bonne prise pour tout commis de la douane qui la pourrait découvrir. J'avais là-dessus un plein rapport de ma gouvernante, autant sur la quantité que sur le lieu même de la cachette. J'allais donc trouver un commis de la douane et lui dis que j'avais à lui faire une révélation à condition qu'il m'assurât que j'aurais ma juste part de la récompense. C'était là une offre si équitable que rien ne pouvait être plus honnête. Il s'y accorda donc, et emmenant un commissaire, et moi avec lui, nous occupâmes la maison. Comme je lui avais dit que je saurais aller tout droit à la cachette, il m'en abandonna le soin. Et le trou étant très noir, je m'y glissai avec beaucoup de peine, une chandelle à la main, et ainsi lui passai les pièces de dentelle, prenant garde, à mesure que je les lui donnais, d'en dissimuler sur ma personne autant que j'en pus commodément emporter. Il y avait en tout environ la valeur de 300 livres de dentelle. Et j'en cachai moi-même environ la valeur de 50 livres. Ces dentelles n'appartenaient point aux gens de la maison, mais à un marchand qui les avait placées en dépôt chez eux, de sorte qu'ils ne furent pas si surpris que j'imaginais qu'ils le seraient. Je laissai le commis ravi de sa prise et pleinement satisfait de ce que je lui avais remis, et m'accordai à venir le trouver dans une maison qu'il dirigeait lui-même, où je le joignis après avoir disposé du butin que j'avais sur moi, dont il n'eut pas le moindre soupçon. Sitôt que j'arrivai, il commença de capituler. Persuadé que je ne connaissais point le droit que j'avais dans la prise, et m'eût volontiers congédié avec 20 livres. Mais je lui fis voir que je n'étais pas si ignorante qu'il le supposait. Et pourtant, j'étais fort aise qu'il proposât au moins un prix fixe. Je demandai 100 livres, et il monta à 30 livres. Je tombai à 80 livres, et de nouveau, il monta jusqu'à 40 livres. En un mot, il offrit 50 livres et je consentis, demandant seulement une pièce de dentelle qui, je pense, était de 8 ou 9 livres, comme si c'eût été pour la porter moi-même, et il s'y accorda. De sorte que les 50 livres en bon argent me furent payés cette nuit même, et le payement mit fin à notre marché. Il ne sut d'ailleurs qui j'étais, ni où il pourrait s'enquérir de moi. Si bien qu'au cas où on eût découvert qu'une partie des marchandises avait été escroquée, il n'eût pu m'en demander compte. Je partageai fort ponctuellement ces dépouilles avec ma gouvernante, et elle me regarda depuis ce moment comme une rouée fort habile en des affaires délicates. Je trouvai que cette dernière opération était du travail le meilleur et le plus aisé qui fût à ma portée, et je fis mon métier de m'enquérir des marchandises prohibées. Et après être allé en acheter, d'ordinaire je les dénonçai. Mais aucune de ces découvertes ne monta à rien de considérable, ni de pareil à ce que je viens de rapporter. Mais j'étais circonspecte à courir les grands risques auxquels je voyais d'autres s'exposer, et où ils se ruinaient tous les jours. La prochaine affaire d'importance fut une tentative sur la montre en or d'une dame. La chose survint dans une presse, à l'entrée d'une église, où je fus en fort grand danger de me faire prendre. Je tenais sa montre tout à plein, mais, donnant une grosse bousculade, comme si quelqu'un m'eût poussé sur elle, et entre-temps, ayant bellement tiré sur la montre, je trouvai qu'elle ne venait pas à moi. Je la lâchai donc sur le champ, et me mis à crier comme si on allait me tuer, qu'un homme venait de me marcher sur le pied, et qu'il y avait certainement là des filous, puisque quelqu'un ou d'autre venait de tirer sur ma montre. Car vous devez observer qu'en ces aventures, nous allions toujours fort bien vêtus, et je portais de très bons habits, avec une montre d'or au côté, semblant autant d'une dame que d'autres. À peine avais-je parlé que l'autre dame se mit à crier aussi « Au voleur !» car on venait, dit-elle, d'essayer de décrocher sa montre. Quand j'avais touché sa montre, j'étais tout près d'elle. Mais quand je m'écriai, je m'arrêtai pour ainsi dire au court, et la foule l'entraînant un peu en avant, elle fit du bruit aussi, mais ce fut à quelque distance de moi, si bien qu'elle ne me soupçonna pas le moins du monde. Mais quand elle cria « Au voleur !», quelqu'un s'écria « Oui, da, et il y en a un autre par ici, on vient d'essayer de voler madame !» Dans ce même instant, un peu plus loin dans la foule, et à mon grand bonheur, on cria encore « Au voleur !» Et vraiment, on prit un jeune homme sur le fait. Ceci, bien qu'infortuné pour le misérable, arriva fort à point pour mon cas, malgré que j'eusse bravement porté jusque-là mon assurance. Mais maintenant, il n'y avait plus de doute, et toute la partie flottante de la foule se porta par là, et le pauvre garçon fut livré à la fureur de la rue, qui est une cruauté que je n'ai point besoin de décrire, et que pourtant ils préfèrent toujours à être envoyés à Newgate, où ils demeurent souvent longtemps, et parfois sont pendus, et le mieux qu'ils puissent y attendre, s'ils sont convaincus, c'est d'être déportés. Ainsi j'échappai de bien près, et je fus si effrayé que je ne m'attaquai plus aux montres d'or pendant un bon moment. Cependant, ma gouvernante me conduisait dans tous les détails de la mauvaise vie que je menais maintenant, comme si ce fût par la main, et me donnait de telles instructions, et je les suivais si bien, que je devins la plus grande artiste de mon temps. Et je me tirai de tous les dangers avec une si subtile dextérité que, tandis que plusieurs de mes camarades se firent enfermer à Newgate dans le temps qu'elles avaient pratiqué le métier depuis une demi-année, je le pratiquai maintenant depuis plus de 5 ans, et les gens de Newgate ne faisaient pas tant que me connaître. Ils avaient beaucoup entendu parler de moi, il est vrai, et m'attendaient bien souvent, mais je m'étais toujours échappé, quoique bien des fois, dans le plus extrême danger. Un des plus grands dangers où j'étais maintenant, c'est que j'étais trop connu dans le métier, et quelques-unes de celles dont la haine était due plutôt à l'envie qu'à aucune injure que je leur eusse faite, commencèrent de se fâcher que j'échappasse toujours quand elles se faisaient toujours prendre et emporter à Newgate. Ce furent elles qui me donnèrent le nom de Moll Flanders, car ils n'avaient pas plus d'affinité avec mon véritable nom ou avec aucun des noms sous lesquels j'avais passé, que le noir n'a de parenté avec le blanc, sinon qu'une fois, ainsi que je l'ai dit, je m'étais fait appeler Madame Flanders quand je m'étais réfugiée à la Monnaie. Mais c'est ce que ces coquines ne surent jamais, et je ne pus pas apprendre davantage comment elles vinrent à me donner ce nom ou à quelle occasion. Je fus bientôt informée que quelques-unes de celles qui s'étaient fait emprisonner dans Newgate avaient juré de me dénoncer. Et comme je savais que 2 ou 3 d'entre elles n'en étaient que trop capables, je fus dans un grand souci et je restai enfermée pendant un bon temps. Mais ma gouvernante, qui s'était associée à mon succès et qui maintenant jouait à coup sûr, puisqu'elle n'avait point de part à mes risques, ma gouvernante, dis-je, montra quelque impatience de me voir mener une vie si inutile et si peu profitable, comme elle disait, et elle imagina une nouvelle invention pour me permettre de sortir, qui fut de me vêtir d'habits d'homme et de me faire entrer ainsi dans une profession nouvelle. J'étais grande et bien faite, mais la figure un peu trop lisse pour un homme. Pourtant, comme je sortais rarement avant la nuit, ce ne fut pas trop mal. Mais je mis longtemps à apprendre à me tenir dans mes nouveaux habits. Il était impossible d'être aussi agile, prêt à point et adroit en toutes ces choses, dans des vêtements contraires à la nature. Et ainsi que je faisais tout avec gaucherie, ainsi n'avais-je ni le succès, ni la facilité d'échapper que j'avais eu auparavant. et je résolus d'abandonner cette méthode. Mais ma résolution fut confirmée bientôt après par l'accident suivant.